Extrait troisième, une belle prise. Les marins de Surcouf furent promptement l'explication des motifs qui avaient décidé leur chef à fuir devant les vaisseaux anglais. On était au voisinage des îles Maldives, dans le bras de mer qui sépare cet archipel de celui des Maldives, passage essentiellement dangereux pour la navigation et qui a vu d'innombrables naufrages. Or, depuis plusieurs semaines, le corsaire était averti que trois navires anglais, voyageant de conserve, avait quitté le cap se dirigeant vers l'Inde. La Sainte-Anne n'était plus à son service par suite de la manœuvre de Clavaillan. Il n'avait pu surveiller les côtes d'Afrique, ni par conséquent arrêter au passage ses bâtiments qu'il savait porteurs d'une riche cargaison. Il avait donc pris à part son lieutenant et tous deux avaient arrêté un plan aussi audacieux qu'imprévu. « Jacques, avait dit Surcouf, nous avons deux moyens à notre disposition. Livrer bataille tout de suite aux trois vaisseaux anglais, les couler, et revenir sur le convoi. C'est chanceux. Nous pouvons subir des avaries graves et n'être plus suffisamment armés pour nous rendre maîtres des bateaux marchands qu'on m'a signalés. Ou bien, nous devons nous porter au plus vite à la rencontre du convoi, le capturer, et attendre les trois vaisseaux pour leur faire face. » Jacques hocha la tête. « C'est hardi, mais tout aussi aventureux. Une fois les navires pris, qu'en ferons-nous? Comment tenir tête aux Anglais si nous sommes empêtrés d'une telle cargaison? Il y a peu de chances pour que nous puissions la conserver. » Surcouf fut un geste vif et tapant sur l'épaule de son ami. « Tu ne m'as pas compris. Je ne veux pas couler le convoi, bien au contraire. Il s'agit de le prendre sans l'avarier et de nous en servir contre les autres en exposant à leur feu les bateaux ainsi capturés. Je sais qu'à bord de l'un d'eux se trouvent d'honorables ladies, de charmantes misses, qui viennent rejoindre leur famille dans l'Inde. Ce sont là de précieux otages, de sûres cuirasses contre les boulets anglais. Elles prises, nous aurons presque tous les atouts dans notre jeu. » Clavaillan se mit à rire. « Parbleu, si tu m'en dis tant !» Parmi les voyageuses se trouve sans doute Lady Stanhope, la cousine de Lady Blackwood, celle qui a rapporté des robes de piano à queue achetées en France. Bonne proie pour de galants chevaliers. L'ordre d'action fut donc immédiatement adopté. Jacques présenta une objection. « Tout cela est fort bien, mais où le prendre, ce convoi tant désiré ?» « Mais avis, répondit le malouin, qu'à cette heure il ne doit pas être loin de nous. Je gagerai ma main droite qu'il a dû embouquer dans le canal des Maldives. Oh, des navires de commerce risqués en un tel passage. Oui, oui, il a la réputation d'être très périlleux, j'en conviens. Mais outre qu'en cette saison le vent les favorise, le passage, si dangereux qu'il soit, l'est infiniment moins qu'une rencontre de corsaires. Il y a donc de nombreuses probabilités en faveur de mon hypothèse. En ce cas, hardi et suce au convoi. Tels furent les motifs pour lesquels les corsaires prirent chasse devant les vaisseaux anglais et les entraînèrent à leur suite dans le canal des Maldives. Le sixième jour, vers midi, Clavaillan, qui courait en tête avec la Sainte-Anne, fit entendre un cri de joie et se mit en communication avec son chef. Il venait de relever au sud-ouest, au voisinage de la plus petite des Maldives, le convoi si impatiemment cherché. Les trois navires s'y trouvaient réunis. En un clin d'œil, le Revenant et la Sainte-Anne se mirent d'accord et Surcouf arrêta le plan à suivre, aussi bref, aussi expéditif que possible. Laissant la Confiance et le Good Hope se traîner à l'arrière, les deux corsaires se couvrirent de toile et s'élancèrent à la rencontre du convoi. Grâce à leur prodigieuse vitesse, ils l'atteignirent vers 3 heures de l'après-midi. C'était bien lui. Les trois gros navires, pesamment chargés, semblaient ramper à la surface des flots. Ils n'avaient pas redouté la présence de l'ennemi en ces parages réputés dangereux, et leur prudence grossière leur était fatale. L'apparition des corsaires les frappa d'épouvante. Un seul des trois navires, le Star, voulut tenter une résistance. Il portait une pièce de chasse à l'avant. Le boulet qu'il envoya vint chercher l'eau à 100 mètres du Revenant. « Mais !» cria le malouin au plus habile de ses canonniers. « Te charges-tu d'amputer ce lourd de sa misaine ? Rien n'est plus facile si vous le désirez, commandant. » répondit Mahé. « Alors vas-y, et découpe proprement cette aile de pigeon. » Mahé courut à l'une des pièces de tribord et pointa avec soin. Quelques minutes plus tard, une détonation formidable ébranlait l'air, et du pont du Revenant, on pouvait voir la misaine du navire anglais s'abattre avec fracas sur le pont et le couvrir de ses débris. Le Star amena immédiatement son pavillon. Aussitôt, les deux corsaires s'approchèrent du convoi et intimèrent aux équipages l'ordre de se rendre à leur bord en qualité de prisonniers. Ce fut le capitaine du Star qui vint implorer la modération des vainqueurs. « Commandant, dit-il à Surcouf, vous ferez de nos personnes ce qu'il vous plaira. Toutefois, nous osons espérer que vous vous conduirez en gentleman à l'égard des dames qui sont avec nous et qu'on ne saurait tenir pour prisonnières. » Le redoutable écumeur de mer fronça le sourcil. « Monsieur, répliqua-t-il, rien que pour ces paroles, je devrais vous faire pendre. Elles constituent une insulte gratuite. Je ne sais comment vous faites les choses en Angleterre, mais ici vous avez affaire à des Français. C'est vous dire que les dames n'auront qu'à se louer de notre conduite. » Il y avait, proche du lieu de la capture, un îlot assez verdoyant et désert. Les trois bâtiments, dirigés par les matelots français, mouillèrent dans une crique ombragée du rivage. Après quoi, Surcouf donna l'ordre de faire débarquer tous les passagers, les femmes les premières. Il y en avait une vingtaine de toutes les conditions. Dans ce nombre apparaissait une jeune et élégante patricienne, au visage fier, à l'œil bleu plein de reflets d'acier. Quand elle fut en présence du corsaire, elle s'avança vers lui, la tête haute, la démarche assurée. « Monsieur, dit-elle au Malouin, je ne puis croire que vous avez contre nous des intentions perfides. Vous jouissez en Angleterre et dans les colonies de la réputation d'un homme courtois et bien élevé. C'est sous cet aspect que je vous connais. » Surcouf s'inclina en souriant. « Vous pouvez vous assurer, milady, que cette réputation est justement accréditée. Si les nécessités de la guerre m'ont contraint à interrompre votre voyage, veuillez croire que c'est avec le plus vif regret de vous causer cet ennui. Mais, vos compatriotes le permettant, j'ai l'honneur de vous remettre sur la bonne voie. « Monsieur, répliqua la jolie prisonnière, j'étais sûr que nous serions sous la sauvegarde de votre honneur. Laissez-moi vous demander toutefois si votre intention est de nous abandonner sur cet îlot désert. » Le Malouin fit un nouveau salut plus gracieux que le précédent. « Milady, vous n'y séjournerez que le temps nécessaire à une joute inévitable. Vos beaux yeux vont sans doute contempler un combat sur mer, car je crois que vos compatriotes nous donnent la chasse. Souffrez donc que jusqu'à demain, je vous laisse sous la protection, je ne dis point dessein, sous la garde de quelques-uns de mes plus aimables marins, et sitôt notre affaire vidée avec vos compatriotes, nous aurons l'honneur de vous rendre la liberté du chemin. » « Mais monsieur, s'écria la jeune femme, vous ne prévoyez que le cas où vous seriez victorieux. » « C'est dans mes habitudes, madame. Vous n'avez donc jamais prévu l'hypothèse d'une défaite. Je ne prévois que celle de ma mort, milady. » « C'est vaillamment parlé, monsieur, et je vous admire pour cette parole. Mais elle n'est guère rassurante pour nous, prisonniers, permettez-moi de vous le dire. » « Au contraire, madame, si je meurs, c'est que les Anglais sont vainqueurs, et en ce cas, ils n'auront rien de plus pressé que de vous délivrer. » La jeune femme détourna la tête, un long soupir souleva sa poitrine. « Quelle affreuse chose que la guerre, monsieur Surcouf. Elle peut donner de la gloire à quelques-uns, mais voyez de quel prix cette gloire est payée. Vous dites vrai, milady, mais si vous m'en croyez, nous échangerons de telles réflexions quand la paix sera faite entre nos deux nations. » Sur son ordre, les équipages des trois corsaires improvisèrent une sorte de campement dans une vallée bien abritée. Avec des espars, des vergues et des agrès de toute nature, on dressa des tentes sous lesquelles on installa des couchettes et des hamacs à l'usage des prisonnières.